Zikobanyanga. Merci de rester branché sur les ondes de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord la charpente. Un greffier de la cour d'appel de Bururi et un juge du tribunal de résidence de la commune Mugamba sont emprisonnés à Bururi depuis le soir de ce mardi. Ils sont poursuivis pour usage d'une copie de jugement non cachette. Le secteur touristique burundais connaît un grand défi avec 7 sites seulement aménagés sur plus de 100 répertorié, le directeur général du tourisme a fait cette révélation ce mercredi à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du tourisme. Nous retrouverons aussi notre correspondant pour nous décrire la situation à Bururi avec sa réserve naturelle. Certains résidents et rapatriés de la colline Ruvumera, commune Nyanzalak de la province Makamba, disent que leur cohabitation n'est pas bonne à cause des conflits fonciers. Vous aurez les détails dans ce journal, dans la chronique sur les messages de haine. Un socio-anthropologue nous parlera des discours qui dressent les membres d'un groupe contre notre sur base de témoignages des habitants de la commune Nyanzalak en province Makamba. Bienvenue à cette édition de la mise en onde assurée par Eric Wiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page tourisme. 7 sites seulement sur 100 répertoriés sont aménagés au Burundi. Propos tenus ce mercredi au cours de la célébration de la Journée internationale du tourisme. Le directeur général du tourisme indique que cela reste un défi dans ce secteur. Jacques Guirimana rassure néanmoins que les textes légaux qui vont être mis en place vont aider à résoudre ce problème. Les détails avec Sheila Irambona. Discuter sur l'état du tourisme en Burundi, c'est ce qui a réuni les intervenants du secteur du tourisme dans un panel ce mardi. Tous ceux qui ont présenté des interventions sont revenus sur les défis qui hantent ce secteur. L'un des défis présentés est que sur les 126 sites touristiques dont dispose le Burundi, 7 seulement sont aménagés. L'état des lieux, c'est que l'offre touristique est répertoriée, mais pas aménagée. À l'heure que je vous parle, nous avons déjà 100 sites touristiques qui sont déjà identifiés. Il y a aussi 149 qui restent. En total, il y a 249 sites touristiques dont qui restent qui n'ont pas encore été diminués et qui sont non aménagés. C'est-à-dire que ces tissus 123 qui sont reconnus ne sont pas aménagés. Donc, ces tissus sont aménagés. Mais vous savez qu'il y a quand même quoi à faire. Et au directeur général du tourisme d'ajouter que le fait que ce secteur ne dispose pas de loi mine ce secteur et de rassurer qu'une loi va être mise en place prochainement. Aujourd'hui, nous n'avons pas de textes légaux pour nous donner le pouvoir d'agir en tant que secteur du tourisme. Donc tout ce qui devrait être géré par la direction générale du tourisme ne l'est pas. C'est un processus qui continue. Nous pouvons vous rassurer qu'avec cette énergie, avec cette volonté, avec le nouveau souffle que nous avons apporté à ce secteur, les autres sites qui n'ont pas encore été aménagés le seront. Ce panel a été organisé dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du tourisme. Cette célébration est faite alors qu'au Burundi, sur 721 hôtels répertoriés en 2021, aucun hôtel ne possède 3 étoiles. Sheila Irambona, dans cette même page, tous les 8 sites touristiques que comptait la province Bururi, dont la réserve naturelle qui héberge des chimpanzés, ont besoin d'être aménagés et publiés pour attirer les touristes. Jérôme Nishishikare, responsable de cette réserve naturelle, le dit au moment où, ce mercredi, le monde célèbre la journée du tourisme. Le chef de cabinet du gouverneur de cette province demande au ministère ayant le tourisme dans ses attributions de tout faire pour que ces sites soient exploités, n'est-ce pas, Zeno Zambiman? Parmi ces sites touristiques que compte la province de Bururi, figure la réserve naturelle de Bururi avec différentes espèces végétales et animales, dont les chimpanzés et une espèce de grenouille bleue découverte uniquement dans cette forêt et d'autres qui peuvent attirer les touristes, selon Jérôme Nishishikale, responsable de cette aire protégée de Bururi. Toutefois, les sentiers touristiques dans cette forêt ne sont pas bien aménagés, car même le projet qui les aménage engagée a déjà clôturé ses activités. Le manque de matériel et de formation pour les gardes des forêts et les guides touristiques reste toujours parmi les défis. Jérôme Nishikale dit que même d'autres sites touristiques comptent la province de Bururi, comme les eaux thermales de Muyange en commune de Bururi, celles de Muheza en commune de Rutovu, les chutes Sugovyaye et Muyange en commune de Bururi, la source du Nil en commune de Rutovu, le site touristique de Gashinira en commune de Matana, où est né le premier roi du Burundi, ne sont pas aussi aménagés pour attirer les touristes, car les routes menant vers certains de ces sites touristiques sont en mauvais état. Un autre constat de son responsable de la réserve naturelle de Bururi est que tous ces sites ne sont pas du tout connus suite au manque de publicité. Un défi très important, c'est le lui. Jérôme Nishikale fait cette observation ce mercredi 27 septembre, au moment où le monde célèbre la journée du tourisme. Juvanda Ikeza, chef de cabinet du gouverneur de la province de Bururi, déplore également que certains de ces sites touristiques dans la province de Bururi ne sont pas exploités. Il demande au ministère ayant le tourisme dans ses attributions de tout faire pour que ces sites soient exploités et pour qu'ils puissent apporter les devises à notre pays et aux natifs de la province de Bururi. Il les invite à ériger beaucoup d'hôtels pouvant accueillir les touristes. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Dans cette même province de Bururi, un greffier de la cour d'appel de Bururi et un juge du tribunal de résidence de la commune Mugamba sont emprisonnés à Bururi depuis le soir de ce mardi. Le premier est poursuivi pour une copie de jugement sans cachet qu'il a délivré à ce juge qui se trouve être aussi justiciable dans un litige foncier. Selon les informations en provenance du parquet près la cour d'appel de Bururi, les mêmes informations disent qu'après avoir reçu ce document, ce justiciable qui avait perdu le procès est allé demander à ses collègues de Mugamba de mettre en exécution le jugement rendu alors qu'il n'avait même pas payé les frais de justice normalement versés par un justiciable ayant perdu le procès. Ces deux hommes sont pour le moment dans les mains du parquet près la cour d'appel de Bururi. Une courte pause. La radio de l'avenir. Et dans la page éducation de ce journal, les cours se déroulent normalement au lycée Mushasha 1 de la zone Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Cette école était comptée parmi celles inondées l'année passée, d'où les cours ont été paralysés. Cette année, en cours, des stratégies ont été déjà arrêtées pour faire face au changement climatique, selon le chef de zone Gatumba. Jean Mouyoboke souligne que les directions communales et provinciales de l'éducation sont déjà à l'œuvre pour ériger des classes constituées de tentes à Gatumba même qui seront utilisées en cas de reprise de ces inondations. Page gouvernance, les responsables administratifs sont appelés à faciliter la tâche à la population qui cherche des documents. Entre autres, les cahiers de ménage, le conseiller du maire de la ville de Bujumbura, chargé de questions de sécurité, s'exprime après les lamentations des habitants de certains quartiers qui sont souvent arrêtés lors des fouilles et perquisitions par manque de signatures dans leurs cahiers de ménage. Le colonel de police Jimmy Ndeishimiye met en garde et ceux qui refusent de rendre service en prétextant d'avoir besoin d'autres documents comme les reçus de paiement, d'évacuation des déchets ménagers ou de l'impôt foncier. On l'écoute. Normalement, c'est le rôle des chefs de quartier de délivrer les cahiers de ménage à la population sous les responsabilités. Alors, quand ces cahiers n'ont pas été distribués à la population, c'est la défaillance des chefs de quartier, puisque deux fois, il y a des exigences qui ne sont pas conformes à la loi. Nous recevons des lamentations de la population, mais à chaque fois, nous appelons les chefs de quartier, les chefs de zone, pour qu'ils puissent se comporter comme des pères de famille dans leurs quartiers respectifs. Normalement, le cahier de ménage, le rôle est de faciliter le contrôle du mouvement de la population dans différents quartiers. Si un chef de quartier exige d'autres documents pour la délivrance de ce cahier de ménage, oui, ça peut être une façon de voir ou de contrôler la participation de la personne en question qui demandent le cahier de ménage dans certains travaux organisés par l'administration. Mais ça ne devrait pas être une condition pour l'obtention de ce cahier de ménage. Le message, c'est de réitérer que ce chef de quartier facilite la population sur les responsabilités pour avoir ces cahiers de ménage sans toutefois exiger beaucoup de choses, car ce cahier de ménage vraiment joue un rôle très important en matière de sécurité, car ça facilite le contrôle des mouvements des personnes. Propos recueillis par Francine Ndiokoubgaï dans son analyse, l'avocat conseil maître Salvatore Minani dit que la vérification des cahiers de ménage par les agents de la police ne constitue pas une fouille et perquisition. D'après lui, les fouilles et perquisitions se font dans le cadre bien précis à l'endroit des personnes soupçonnées d'avoir commis d'éventuelles infractions. Il explique que c'est un acte prévu par la procédure pénale qui se déroule moyennant un mandat de perquisition. Suivez-le au micro dans les Désirés Boukienès. Je ne saurais dire qu'il s'agit d'une fouille et perquisition ou de saisie. Mais vous savez que les cahiers de ménage ont été instaurés par certaines mesures administratives au niveau de la mairie. Je ne sais pas si à l'intérieur ça se fait, mais au niveau de la mairie, vous savez que ces cahiers sont là pour pouvoir identifier les habitants de la ville, chaque quartier, chaque route. Alors, lorsqu'il y a des défaillants qui ne sont pas en possession de ces carnets de ménage ou ces cahiers de ménage, eh bien, pour les sanctionner, il doit y avoir une procédure. Cette procédure doit être précisée par l'autorité qui a mis en place ce cahier lui-même. Et lorsque vous voyez la police qui vient, vous savez que la police, c'est pour faire respecter les mesures administratives. En plus de ce qui est prévu par le code de procédure pénale, la police est donc compétente pour faire respecter toutes les mesures administratives. Alors, si la personne n'est pas en possession de ce cahier, je ne saurais pas dire qu'il s'agit d'une fouille et perquisition qu'on vient faire, mais on vient faire respecter cette mesure, rien que cela. Mais le code de procédure pénale parle des visites des lieux, des perquisitions et des saisies. Pour cela, il doit y avoir un mandat, le mandat de perquisition qui est signé par l'autorité compétente, c'est-à-dire le procureur de la localité. La mesure administrative dont je vous ai parlé, qui met en place ces cahiers, lorsque vous ne la respectez pas, vous êtes en violation de cette mesure et l'autorité compétente peut vous sanctionner. Et pour vous sanctionner, il faut vous retrouver et avoir des preuves que vous n'avez pas accompli tout ce qu'elle vous a demandé, cette autorité. Et parmi l'une des voies, c'est envoyer la police pour vérifier si vous êtes en conformité avec la mesure administrative. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, certains résidents et rapatriés de la colline Ruvumera, commune Nyanzalak de la province Makamba, disent que leur cohabitation n'est pas bonne à cause des conflits fonciers. Les résidents disent que ceux qui ont regagné le pays veulent s'accaparer de leurs parcelles, mais se heurtent à la difficulté de n'avoir pas ou exposer ce cas, étant donné que la Commission nationale des terres et eaux très bien a terminé son mandat. Pascal Nguenda Kourio, président de la Cour spéciale Terre et autres biens, précise que la CNTB leur a laissé près de 4000 dossiers en cours de traitement. Reportage signé Jean-Marie Mayonk. Iyo CNTB umva yaje nitwavuga ngo ni CNTB kuko ntaye twabonye ku mutumbi wacu. Twatangaye kubona iryo tongo yo bahayara rirondera ngaha muri munacu. Nous sommes sur la colline Ruvumera de la commune Nyanzarake, province Makamba, où il y a des conflits fonciers opposant les résidents et les rapatriés. Les résidents accusent les rapatriés de s'approprier de leurs propriétés foncières à leur retour au pays. Cette femme est résidente de la colline Ruvumera précise que un des rapatriés veut s'approprier de sa parcelle et aujourd'hui il n'a pas où loger avec sa famille. Cette personne est venue nous chasser dans notre parcelle. Elle dit qu'on n'a pas droit à notre parcelle. À cette époque, nous n'avons pas pu approcher la CNTB qui venait de terminer son mandat. Et nous avons vu en soi-disant CNTB, mais qui n'a rien fait. Ces gens ont placé des bornes jusqu'à présent. C'est cette famille qui occupe notre parcelle. terre. Même les voisins disent que ce conflit entraîne la mauvaise cohabitation et ne comprennent pas comment quelqu'un qui rentre au pays réclame la parcelle qui ne lui appartient pas. Ces conflits fonciers sont reconnus au sein de l'administration à la base sur cette colline d'Orvumera. Une précision du chef collinaire Onedzime Dikirirenza ne comprend pas les gens qui se disent être les membres de la CNTB et qui se donnent le droit de trancher les litiges fonciers sans les mettre au courant. Le père d'Onyandwi Sedekia, après sa mort en 2000, avait partagé toutes ses propriétés foncières et son fils Sedekia a voulu récupérer la parcelle d'Obed. En 2021, aucun jugement n'a été rendu. Il y avait un groupe de gens qui est venu, mais on n'était pas sûr si c'était la CNTB ou autre. On n'a pas pu savoir si c'était la vraie CNTB. L'administration communale de Nyanzarake privilège la réconciliation entre les résidents et les rapatriés en cas de conflit foncier. Boutchoumi Félix, conseiller chargé des affaires sociales, ajoute qu'en cas de non-réconciliation, le conflit est transmis au niveau de la province. Et si ces conflits sont déjà être mis à part, on doit les laisser comme ça. Mais la commune doit contribuer tout en attendant la justice qui viendra résoudre Terjan Doka. Actuellement, au niveau de notre commune, on essaie de faire une résolution pacifique de ces conflits. On essaie de nouer des relations entre ces deux familles qui ont des problèmes. Selon Pascal Ngendakuriyo, président de la Cour spéciale des terres et autres biens, la CNTB a terminé son mandat. Près de 4000 dossiers restent sans être traités. Nous constatons qu'il y a à peu près 4000 dossiers en état d'être exécutés qui restaient encore pendants et qui n'ont pas été exécutés jusqu'à la fin du mandat de la commission. Mais sur les 4000 dossiers en état d'être exécutés, nous avons pu accueillir 975 dossiers jusqu'à présent, donc à peu près 1000 cas. Le mandat de la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, a pris fin le 12 mars 2022 avec près de 4000 dossiers restants. Merci Jean-Marie Mayong. Page politique, les textes internes régissant les partis politiques ne sont pas clairs par rapport à la représentativité des femmes dans les postes de prise de décision de ces derniers. Cela ressort d'un atelier organisé par l'organisation Burundi Leadership Training Program chargé de renforcer les capacités des leaders Burundi. Ce jeudi, dans la province de Gitega, l'endroit des représentants des formations politiques et des associations militantes pour les droits de la femme. Les représentants des partis politiques ont reconnu ce défi et promettent de se réajuster pour les prochaines échéances électorales de 2025. La situation se présente ainsi au moment où la moyenne nationale de représentativité des femmes au Burundi est aux environs de 19% dans les instances de prise de décision. Cela est dû au fait que la représentativité non élective est très basse, voire inexistante dans certains domaines, comme l'affirme Maître Alphonsine Bigirimana qui a fait l'étude. Parle, rassure-moi. Les discours qui dressent les membres d'un groupe contre un autre aboutissent à des divisions communautaires et freinent les activités de développement, affirment les habitants de la commune Nyanzalake en province Makamba. Des informations confirmées par le secrétaire communal permanent dans les pays post-conflit. Ce genre de discours peuvent être à l'origine des violences de masse, selon un socio-anthropologue. La chronique parlera sur moi avec Méry Kanyank. Ils affirment que ces messages divisent les membres des groupes. Ce sont les habitants de la commune Nyanzalak en province Makamba. Pour eux, ces messages sont liés aux intérêts des leaders des groupes. Ils estiment en outre que ces messages peuvent aboutir à des violences de masse et freiner ainsi les travaux de développement. L'administration communale à Nyanzalak indique que cela entraîne de la haine dans la société, dit Onesphore Nyongendako, secrétaire communal permanent. Si ces discours persistent, ça peut semer de la haine au sein de la société. Et par après, ça peut aboutir à une haine prolongée qui peut générer des conflits sanglants. En ce qui concerne les personnes qui sont à l'intérieur de l'espace de CRN, c'est-à-dire que l'administration parvient à les convoquer et puis s'ils persistent, ils peuvent être renvoyés à la police judiciaire. Selon Blaise Izerimana, socio-anthropologue, ces discours délidés divisant les membres d'un groupe sont dus à la peur de perdre, surtout à l'approche des élections. Pour la plupart des fois, le prix fréquent, c'est lorsqu'on est proche des élections ou aussi dans la phase électorale. Et ici, la cause essentielle, c'est la peur de perdre les élections. Et on dit même qu'en Kirundi, au moins, il y a beaucoup de questions. Lorsque quelque chose est dit par un leader, on a les subordonnés qui veulent parfois appeler au leader et essayer de pratiquer ce qu'ils ont entendu et essayer de créer et aussi la polémique là où ils se trouvent. Les leaders, ajoutait-il, doivent être unificateurs. Les leaders doivent être moteurs d'unification et non pas moteurs de division. On a ici la place de l'État. L'État qui doit punir conformément à la loi, ce qui propage ce genre de messages. Parce que lorsqu'une société est divisée, c'est une société à risque. C'est une société qui ne peut pas prospérer. L'État doit alors punir même les leaders qui propagent ce genre de messages doivent être punis conformément à la loi. S'il n'y a pas de loi irrelative, il faut alors que l'État le mette en place pour protéger la nation. La communauté doit ainsi faire la part des choses et mettre en avant la cohésion sociale dans leur communauté. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rikouimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste et Nziko Mananga. Bonne suite d'autres programmes sur les zones de la radio Isanganiro.